بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فنواصل دراستنا في سيرة الأنبياء والرسل، سائلين الله المولى أن ينفعنا بهذا العلم وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما نسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. وبعد، donc on va continuer inchallah sur l'étude des histoires tirées du livre d'Allah, du Coran. Et donc on était toujours sur l'étude de la vie d'un noble prophète et messager. Le premier messager va avoir été envoyé sur terre, le prophète envoyé Nuh alayhi salam. Donc aujourd'hui on va terminer cette histoire inchallah, puisque dans les assises précédentes, on a évoqué les faits concernant l'histoire de Nuh alayhi salam, et on a tiré les leçons. On a tiré de nombreuses leçons enseignées justement par les savants concernant cette immense et grande histoire de ce noble prophète et messager. Et donc on va terminer aujourd'hui, comme ça on pourra passer à l'histoire d'autres prophètes et messagers, d'autres histoires aussi tirées du livre d'Allah, du Coran. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et donc, hier, on avait terminé notre assise, un fait très important, lorsqu'on avait fini de mentionner le déluge, ce qui s'était produit comme déluge, cette punition qu'Allah Jalla wa Ala, ce châtiment qu'Allah a fait descendre sur terre. Ainsi, on a dit que le déluge, c'est un événement important qui a marqué l'histoire de toute l'humanité. Et du fait que cet événement a marqué l'histoire de toute l'humanité, l'histoire de l'homme, dans le sens de l'espèce humaine, ici il est important, il était important de comprendre qu'est-ce que le déluge, quelles étaient les causes de ce déluge, et que s'est-il passé après aussi le déluge. Donc il était bon et important de savoir ce qui s'est passé avant le déluge, c'est ce qu'on a relaté très brièvement et on l'a fait en résumé, et ensuite ce qui s'est passé ensuite après le déluge. Donc on a dit qu'ensuite, Nuh alayhi salam, donc est avec certains de ses fils, avec certains de ses garçons, comme on l'a précisé la fois dernière, et il était en compagnie des croyants, de ces croyants qui étaient en petit nombre, et donc qui étaient en compagnie de Nuh sur l'arche, et donc ensuite ils sont restés un certain temps sur l'arche, jusqu'à ce qu'ensuite, Allah décréta qu'il puisse débarquer et donc vivre sur terre. Et cet événement donc a marqué l'histoire de l'humanité, du fait qu'une grande question ensuite s'est posée, de grands spécialistes et de grands historiens et de grands savants spécialistes de l'exégèse du Coran et de l'interprétation du Coran ont traité une question majeure, une question: est-ce que ensuite, à cette époque, à l'époque du déluge, est-ce que tous les hommes qui étaient autres que ces croyants qui étaient sauvés, qui étaient sur l'arche avec Nuh, est-ce que tous les hommes ont été anéantis? C'est-à-dire qu'ensuite qu'il ne restait sur terre que les croyants. Ce nombre peu, on va dire ce petit nombre de croyants qui restaient sur terre. Donc on a dit ça, c'est une grande question. En d'autres termes, la question est-ce que la punition descendue, est-ce que le déluge s'est généralisé sur toute la surface de la terre, sur toute la terre, ou bien juste ce déluge, ce châtiment a touché le peuple de Nuh? C'est ça cette question qui a été traitée par des spécialistes dans le domaine. Donc vous retrouvez dans certains livres, comme on l'a dit précédemment dans l'assise dernière, que certains considèrent que c'est le peuple de Nuh qui a subi cette punition et ce châtiment. Et d'autres, dans d'autres surfaces de la terre et d'autres régions du monde ou d'autres contrées, n'ont pas forcément été touchées par ce déluge. Donc ça, cet avis-là, vous pouvez le retrouver dans certains livres, comme on l'a précisé. Et beaucoup de spécialistes, beaucoup d'historiens et beaucoup de grands érudits savants, et vous retrouvez cela dans les livres d'exégèse et d'interprétation du Coran, eux sont d'avis que cette punition était générale. Générale, et ce n'était pas seulement restreint au peuple de Nord, mais c'était quelque chose de général. Et ils s'appuient donc du fait que le châtiment a été général, donc à la fin, il ne restait. Pour cela, pour beaucoup de savants, il ne restait à la fin que les croyants qui étaient avec Nuh et qui avaient cru en lui. Il ne restait que eux sur terre. Et cet avis-là est jugé l'avis le plus juste chez beaucoup de savants, chez beaucoup de savants, en disant que c'est ce qui apparaît du Coran, même si ce n'est pas dit de manière claire et explicite, mais c'est ce qui apparaît. À travers le verset qu'on avait mentionné la fois dernière, وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ هُمُ الْبَاقِينَ Nous avons fait de sa descendance celle qui subsistera, c'est-à-dire celle qui restera. Et donc, beaucoup de savants considèrent, et beaucoup de savants donc considèrent par rapport à ce verset, ils disent que ce qui est apparent, c'est que les êtres humains ensuite qui restaient après le déluge, donc c'était les croyants qui ont été sauvés avec Nuh alayhi assalam. Dans tous les cas, ce n'est pas une question de croyance ou que l'argument est irrévocable, mais c'est une question qu'ont traité les savants, et donc ça, c'était important dans l'histoire de l'humanité. Sinon, certains savants, cette question a été posée à Cheikh Ben Baz, rahimahullahu ta'ala, et il dit, Wallahu a'lam, est-ce que le châtiment était un châtiment général, est-ce qu'il s'est généralisé plutôt sur toute la surface de la terre ou non? Il dit, et Allah est le plus savant. Et donc Allah est le plus savant. Ensuite, après qu'ils aient débarqué, lorsqu'Allah a décrété cela, alors ce qui est rapporté, vous retrouvez certains historiens, en l'occurrence un grand historien contemporain musulman, a évoqué que Adam, lui à son époque, le prophète Adam, à son époque le père de l'humanité, lorsqu'il est apparu, lui sur Terre, c'était au sud-ouest de l'Asie. Au sud-ouest de l'Asie. Donc ça, vous pouvez retrouver dans certains livres d'histoire où certains spécialistes, justement dans le domaine, ont évoqué cela. Donc un grand historien disait que Adam, lui, il serait apparu au sud-ouest de l'Asie, donc dans la péninsule arabique. Et dans la péninsule arabique. Et c'est lorsque la population s'est accrue, des vagues successives d'immigration ont eu lieu. C'est là qu'un groupe s'est dirigé vers le nord-est et s'est fixé au sud de la région des deux fleuves. En l'occurrence, ces deux fleuves, c'était l'Euphrate et le Tigre. Et donc, ça, c'était donc à l'époque de Adam, le père de l'humanité. Ensuite, en ce qui concerne Noé, maintenant le sujet, c'est après le déluge, où s'est-il installé Noé et sa famille et ceux qui ont cru avec lui? Donc après être descendu de l'embarcation, donc après le déluge, il est rapporté, certains historiens, spécialistes rapportent que ils sont descendus après de leur embarcation hein, à l'est de l'actuelle Turquie. Donc la tradition veut que Noé et sa famille soient descendus de leur embarcation à l'est de l'actuelle Turquie. Et c'est dans cette région. Donc c'est cette région qui était nommée l'Anatolie, c'est dans cette région que Nuh, alayhi salam, aurait vécu avec sa famille ensuite. Et cela, comme on l'a cité précédemment, après le déluge. Et c'est au nord de ce que l'on nommera par la suite la Mésopotamie. Donc ça, c'était au nord de cette région connue et célèbre à l'époque, vous retrouvez dans les anciennes cartes hein, du monde. En direction de l'Irak, ici, la Mésopotamie. Donc, c'était au nord. Donc, après le déluge, Nuh se trouvait avec sa famille, ses enfants, au nord de la Mésopotamie, en Anatolie. Et donc, la descendance de Nuh, ensuite, devenue trop nombreuse, décidèrent de se déplacer vers d'autres horizons, vers d'autres contrées, d'autres endroits du monde. Et donc, on a dit que ce qui apparaît donc du Coran, c'est que ensuite, après le déluge, tous les hommes descendaient de Nuh alayhi salam. C'était la progéniture et les descendants des enfants de Nuh. Et on a dit donc, parmi ces enfants, justement parmi les garçons qui étaient avec Nuh, donc comme on l'avait précisé, parmi ces trois enfants qu'il y avait, il y avait Sam, Yafith ou Ham. Waham, comme c'est relaté à travers certains rapports et récits qui nous sont rapportés. Et donc ensuite, son fils Sam eut une descendance, une progéniture, ainsi que Ham et ainsi que Yafith. Et donc ils constituèrent donc les êtres qui vivaient sur terre. C'est pour ça ce qui apparaît à travers le verset que les hommes ensuite qui vivront sur terre seront les enfants de Sem, d'une part, et du frère de l'un des fils de Nor, Ham, et l'autre, Yafith. C'est pour cela que Sem, justement, est celui dont vous trouvez dans beaucoup de livres lorsqu'on appelle le peuple sémitique. Le peuple sémitique. Ou bien aussi les langues, à travers les langues, lorsqu'on étudie l'origine des langues et la source des langues, lorsqu'on dit, par exemple, telle et telle langue sont des langues sémitiques. Donc ça vient justement de Sem, du fils de Nuh, alayhi salam. Et donc sa descendance, ensuite, a été nommée justement le peuple sémitique. Le peuple sémitique, justement du nom de Sem. Sem, le fils de Nuh, alayhi salam. Donc ce qui est important de savoir ici, dans l'histoire de l'humanité, c'est que les hommes ensuite qui vivaient sur terre donc étaient les descendants directs de Nuh alayhi salam, donc les enfants des garçons de Nuh, en l'occurrence comme on les a cités, Sem, Waham, Wayafith. Et donc ça s'est relaté par de nombreux historiens et de nombreux savants. Donc Sem, lui, alors qu'il était en compagnie de son père, Nuh, plus tard, il décida de se rendre, lui et sa descendance, vers le sud-ouest. Donc on a dit au départ, alors selon beaucoup d'historiens, ils étaient en Anatolie, et donc au nord de la Mésopotamie. C'est plus tard que Sem, alors décida, avec sa descendance, d'aller vers le sud-ouest. Et c'était en direction de la péninsule arabique. Et c'est en cette région donc qu'ils prospéreront. Sans cette région, vraiment, que sa descendance va se propager et prospérer. Tandis que, en ce qui concerne l'autre frère, l'autre fils du prophète Nuh, alayhi salam, Ham, lui, il s'est plutôt dirigé, lui et sa descendance, vers le sud, où un groupe d'entre eux se sera installé au sud, justement, de la Mésopotamie. Mais il est rapporté qu'une période de grande sécheresse les a tous contraints ensuite d'émigrer. Et c'est pour ça qu'une partie s'est dirigée plus tard vers l'est en direction de l'Inde. Et l'autre à l'ouest, plutôt vers l'Afrique. Quant au troisième frère, Yafith, lui, il s'est dirigé. Lui, on retrouve dans certains livres, il l'appelle Japheth. Donc, ses fils de Nor sont mentionnés dans d'autres livres. Et dans d'autres livres anciens. Donc, ces enfants-là sont célèbres et connus. Et donc, c'est pour ça que Yafith, lui et sa descendance, une partie, elle, est allée à l'ouest et une autre partie vers l'est. C'est lorsque le groupe qui s'est installé en base Mésopotamie a commencé à se développer, et donc parmi ce groupe-là qui sont partis dans la base Mésopotamie, lorsqu'ils se sont développés, et se sont distingués du fait qu'ils sont devenus une grande civilisation. Une grande civilisation. Qu'ont été nommés As-Sumériyoun. Et qu'on nomme en français les Sumériens. Et c'est pour ça qu'un groupe parmi les descendants de Sem, qu'on nomme les Sémitiques, hein, un descendant de Sem, eux sont remontés de la péninsule arabique pour s'installer justement avec les Sumériens, du fait qu'ils étaient devenus une sorte de civilisation. Une sorte de civilisation. Donc c'est comme cela ensuite, ils se sont répandus sur terre. Et donc, ils avaient vu cela après le déluge. Ils se sont d'abord installés et ensuite, ils ont eu une descendance. Et ensuite, ils ont prospéré et se sont propagés sur terre. Voilà en résumé quelques points importants à retenir. Donc, c'est vraiment bref et concis. C'est ce qu'il faut retenir de cette histoire. Et donc, parmi les enseignements, donc à présent, on a terminé avec l'histoire du premier messager Nour, alayhi salam, et donc on a pu tirer de nombreux enseignements, de nombreuses leçons à travers la vie de Nour, et on a dit que c'était un modèle et un exemple donc pour tous les croyants, quelles que soient les générations et quelles que soient les époques. Donc tous ceux qui croient en Allah subhanahu wa ta'ala, alors ils tirent des leçons à travers les histoires des prophètes et des messagers, et puis ils savent que les prophètes et les messagers sont des exemples même de patience, d'endurance, sont des exemples même de persévérance, sont des exemples même de croyance, de dévotion au niveau du culte, au niveau du comportement. Donc, c'est des exemples pour les générations futures. C'est pour cela qu'il était très pertinent de lire dans l'histoire de ce prophète et on a tiré de nombreuses leçons. Parmi les leçons qu'on a tirées et il y a une grande importance de justement être attentif à ces leçons-là. Une leçon importante qu'on a tirée, c'est que lorsqu'on a appris, avant l'envoyé de Nour, et on a étudié la cause pour laquelle Allah Jalla Wa'ala avait envoyé ce messager pour les hommes sur terre, et donc on avait appris que c'est lorsque les gens, alors que l'origine des êtres sur terre, après Adam, c'est que les hommes étaient sur l'adoration d'Allah, comme on l'a bien stipulé, explicité dans les assises précédentes. Et plus tard, ensuite, Shaitan les a fait tomber petit à petit, progressivement, dans l'adoration d'un autre qu'Allah, dans l'adoration des fausses divinités. Et les gens, ensuite, arrivés à un moment, ils ont laissé l'adoration du Seigneur et du Créateur unique vers l'adoration de fausses divinités. Et ce point-là est très important. On a déduit que on voit que les ruses d'Iblis contre les hommes sont dangereuses du fait que Iblis agit d'une manière progressive. D'une manière progressive, on avait dit par étapes. Et à savoir que l'homme, son ennemi évident, c'est Shaitan, c'est le diable. Le diable est l'ennemi évident. C'est pour ça que dans maintes versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre le diable. Et le diable, Shaitan, Iblis, lui espère et veut hein, et agit en sorte pour que l'homme sombre dans sa déchéance et que la vie de l'homme devienne un enfer. Et donc il va utiliser tous les stratagèmes, toutes les ruses, tous les complots pour pouvoir faire tomber l'homme dans le mal. Mais on a appris à travers cette histoire qu'il faut faire attention car Iblis le fait d'une manière progressive et le fait par étapes. Par exemple, et de ce fait, on comprend, et ça c'est très important, puisqu'on a un ennemi évident. Et Allah Jalla Wa'ala nous dit dans le Coran, Innahu lakum aduun mubin. Il est certes pour vous un ennemi évident. C'est le plus gros ennemi qu'a l'homme. Et c'est pour ça que l'homme doit connaître les ruses et les différents complots qu'utilise Iblis contre les êtres. Et contre, justement, ces êtres qu'il veut vouer à la perdition. Et donc, parmi ces ruses, comme on l'a appris, c'est qu'il vient d'une manière progressive et par étapes. Donc, il faut être toujours conscient de cela. Et savoir cela pour pouvoir, justement, le fait de connaître cela, ça va nous permettre de pouvoir nous préserver, nous protéger et de voir arriver les différentes ruses et les complots d'Iblis contre les êtres. Donc, par exemple, Iblis, pour faire tomber une personne dans, par exemple, la mécréance et le faire mécroire, souvent, et dans la majorité des cas, il ne va pas le faire d'un coup. Il ne va pas arriver à la personne et d'un coup essayer de le faire mécroire, dans la majorité des cas. Mais cela se fera progressivement. C'est pour ça qu'il faut faire attention à cette manière-là, ces différentes étapes qu'utilise Iblis pour faire tomber l'homme dans la perdition. Et c'est pour ça que, regardez, méditez dans un verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan, et ne suivez pas. La tattabi'u khutuwat ash-shaytan. Khutuwat ash-shaytan, les pas du diable. Et Allah Jalla Wa'ala n'a pas dit le pas ou la ruse du diable, mais il a dit les pas. C'est-à-dire, les pas, ça se fait d'une manière, ici, il y a une preuve que il le fait par étapes. Et donc, d'une manière progressive. Et à titre d'exemple, on a une histoire à l'époque de Banu Israël. À l'époque des enfants d'Israël, il y avait une histoire d'un homme. C'était un homme qui était un dévot, un homme qui faisait partie des dévots et des grands adorateurs de ce temps. Il est même dit que cet homme était le plus grand adorateur de son époque, qu'il était difficile de l'égaler dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans des récits israélites l'histoire de cet homme, et on retrouve que même des savants musulmans l'ont repris et nous mentionnent cette histoire. Vous retrouvez cette histoire, par exemple, dans des livres d'exégèse, d'interprétation du Coran, dans des livres d'histoire, comme c'est mentionné par l'imam Zahabi dans Sir al-Nubala, il la mentionne, comme c'est relaté. Vous retrouvez ça dans Tafsir ibn Kathir, dans Tafsir al-Tabari d'Ibn Jarir, et d'autres grands savants. Et aussi dans des livres d'histoire, comme Ibn Kathir l'a mentionné dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, comme c'est mentionné dans Al-Bidaya wa Al-Nihaya, dans le livre célèbre Le Début et la Fin. Et certains savants ont évoqué cette histoire que je vous relatais très, très rapidement dans le livre d'interprétation du Coran. Pourquoi? Parce que certains stipulent et sont d'avis qu'il y a une allusion dans le Coran, il y a un passage qui fait allusion justement à cette histoire. Il y a un passage justement dans le Coran qui fait allusion à cette histoire, et ça c'est l'avis de certains spécialistes de l'exégèse du Coran. Et il dit, c'est le verset, en l'occurrence, le verset 16 de la sourate l'Exode, Al-Hashr, la sourate l'Exode. Et dans ce verset, Allah Jalla nous dit, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Et donc dans ce verset-là, beaucoup de spécialistes disent qu'il y a allusion justement à cette histoire. C'est pour cela qu'on la retrouve, cette histoire, dans certains livres d'exégèse. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Regardez dans une traduction relative de ce verset, et c'est à l'exemple du diable, de Shaitan, qui incita l'homme à renier sa foi, mais quand l'homme devint impie, Shaitan lui dit, le diable lui dit, je te désavoue, car moi je crains Allah, le maître de l'univers. إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ, lui dit ensuite Shaitan. Donc, beaucoup de savants disent que cette histoire que je vais vous relater de manière très rapide, disent que ce verset, dans ce passage du Coran, il y a allusion justement à cette histoire. Donc c'est l'histoire d'un homme que Shaitan a dupé, que Shaitan a incité à renier sa foi. Mais quand l'homme devint impie, comme il est dit dans le verset, Shaitan lui a dit, je te désavoue, car moi je crains le Seigneur, le Maître, je crains Allah, le Maître de l'univers. Quelle est cette histoire? C'est donc l'histoire d'un homme, c'est à l'époque du temps des enfants d'Israël. Et cet homme, comme il est mentionné que cet homme faisait partie des plus grands dévots de son époque. Et le célèbre compagnon Abdallah ibn Abbas a évoqué cette histoire. Et aussi, il y a le compagnon Abdallah ibn Mas'ud qui relate cette histoire. C'est pour ça qu'ensuite, comme je vous l'ai dit précédemment, vous retrouvez les différentes versions citées dans différents livres. Et donc, ils disent que c'était un moine parmi les enfants d'Israël. Et il adorait Allah. Et vraiment, d'un culte vraiment qui s'est distingué à son temps et très peu pouvait le rivaliser en quelque sorte, se comparer à lui. Et c'était quelqu'un qui était doué de savoir et quelqu'un qui était vraiment fervent. Jusqu'à ce qu'il ait même dit dans certaines versions qu'il avait passé 70 années. Pendant 70 années, il était dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il ne désobéissait pas, en manière générale, à Allah subhanahu wa ta'ala. Il était constamment dans l'adoration d'Allah. Il était constamment dévoué à cela. Et il s'interdisait, il s'abstenait de commettre une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'était son quotidien. Et tellement il était connu en son temps que les gens l'admiraient. Les gens de son époque admiraient ce moine, admiraient ce pieux. Ils le considéraient parmi les plus vertueux des leurs. Et donc les gens, ils l'admiraient tellement que les gens parlaient de lui. Et les gens s'étonnaient justement de sa dévotion et de son comportement. et de son adoration qu'il vouait à son Seigneur. Un jour, il est rapporté que trois frères, dans certaines riwayat, certaines versions, ils disent quatre, d'autres disent trois. Trois frères, alors qu'ils voulaient accomplir un voyage, ils voulaient accomplir un voyage, mais ils avaient leur sœur qui était avec eux. Et ils ne savaient pas quoi faire de leur sœur. Ils ne savaient pas quoi faire de leur sœur. Alors, ils ont réfléchi après s'être réunis et l'un des frères avait donné une idée. Justement, ils n'avaient pas vu meilleur que de laisser leur sœur chez justement ce moine. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un de digne de confiance et ils ne connaissaient pas quelqu'un d'autre meilleur que lui et plus pieux que lui. Fadja'alou ya'tamiruna ma yaf'aluna biha, yani bi'ukhtihim. بأختهم فقال أحدهم أدلكم على من تتركونها عنده قال ومن هو قال راهب بني إسرائيل إن ماتت قام عليها وإن عاشت حفظها حتى ترجع إليه فعمدوا إليه فقالوا إن نريد السفر ولا نجد أحدا أوثق في أنفسنا ولا أحفظ لما ولي منك Alors, c'est là qu'ils se sont dit qu'il fallait laisser leur sœur à cet homme. Et donc, après cette proposition, ils s'en allèrent et rendirent visite à cet homme. Et donc, ils lui ont proposé, du fait qu'ils avaient un voyage à entreprendre, de lui confier leur sœur. Et dans un premier temps, certaines versions relatent qu'il a refusé. Donc cet homme, ce moine, a refusé cela. Ensuite, ils ont insisté et que leur voyage était dans le sentier d'Allah et que c'était un bien pour eux, mais ils avaient cet obstacle du fait qu'ils ne savaient pas quoi faire de leur sœur. Et dans ce cas-là, lui, il les aidait dans cette entreprise. Et donc, certains savants nous relatent de cette manière, comme c'est rapporté dans certaines versions. Donc à la fin, il accepta. En résumé, ensuite, il avait une sorte de temple où il se recueillait et il s'isolait dans son temple. Donc, les frères, il est rapporté qu'ils ont édifié une bâtisse, à proximité du temple du moine, pour mettre leur sœur dans cette bâtisse. Donc, ils ne l'ont pas mis dans le temple avec le moine, mais ils ont bâti une bâtisse à proximité du temple. Et lui, ne serait-ce que les gens savent qu'elle était à proximité du temple, ça suffisait pour la sécurité de la fille. Et donc lui, il était à proximité et lui ne devait juste lui ramener à manger à chaque fois, lui ramener à manger. Et donc, Shaitan, petit à petit par étapes, et comme il est rapporté dans certaines versions, il n'avait jamais pu arriver à le tenter, à le séduire. Donc là, il y a eu une opportunité. Et donc, Shaitan, petit à petit, par étapes, a commencé à travailler sur le moine, comme il est rapporté. Et donc, au départ, c'était de lui ramener à manger devant la porte, et ensuite, il s'en allait. Ensuite, Shaitan l'a poussé ensuite à frapper à la porte. Et donc, il lui a insufflé comment ne pas frapper à la porte et savoir si la fille va bien. Donc, avec le temps, au départ, c'était juste ramener à manger devant la porte. Ensuite, par étapes, avec le temps, Shaitan lui insuffla de demander des nouvelles, de voir si la fille, ça va. Et donc, avant cela, de la saluer. Et donc, progressivement, avec le temps, par étapes, il posait à manger et il frappa à la porte. Ensuite, plus tard, il frappait et il saluait. Il la salua. Et plus tard, Shaitan, donc c'était par étapes, lui dit au moine, mais qu'est-ce que les gens diront s'ils te voient, toi l'homme dévot, parler derrière une porte avec une femme? Alors que ce moine est derrière la porte et tu parles avec la femme, il serait plus judicieux de lui rapporter à manger et de lui poser à l'intérieur. Ce que fit le moine. Donc ça s'est fait sur le temps. Vous avez vu, ça s'est fait avec progressivement et avec des étapes. Et jusqu'à ce qu'ensuite, il a rapporté que le moine ensuite rentra. Et ensuite, Shaitan lui fit plaire cette fille et lui plut kadhalik. Comme il a rapporté, comme certains savants l'expliquent. Et donc, il a commis ensuite l'interdit. Donc, je vous le fais en résumé. Il commettait l'interdit avec cette femme, et de là, il y eut un enfant. Donc, la fille ensuite a eu un enfant. Et là, Shaitan, encore, par étapes, Shaitan ensuite lui insuffla. Mais qu'est-ce que les gens diront? La gravité. Un moine, un dévot, au service de son Seigneur, connu pour son adoration. Aujourd'hui, tu as commis l'interdit avec cette fille et elle a un enfant. Donc ensuite, il lui a insufflé de tuer la femme et l'enfant. Il lui a insufflé de tuer, premièrement, l'enfant, parce que si les gens savaient qu'elle a un enfant, alors ils auraient su que c'est avec le moine. Donc il lui a insufflé, il lui suggéra de tuer l'enfant, pour pas que les gens sachent qu'il a commis l'interdit avec cette femme. Et lorsqu'il tua l'enfant, il lui a insufflé ensuite de tuer la mère, puisque elle pourrait se plaindre. Et donc il tuera ensuite la mère. Et donc à la fin, il s'est retrouvé. Par étapes, progressivement, Shaitan l'a fait tomber dans cet immense péché, ce grand péché, le fait d'avoir tué cette femme et son enfant. Cette femme et son enfant. Ensuite, donc il les enterra, il les a enterrés, et plus tard, lorsque les frères revinrent de leur voyage, alors Shaitan est venu à eux dans leur rêve. Et ils ont tous fait un rêve qu'il s'était produit quelque chose. Et ils ont vu l'endroit même où a été enterrée leur sœur. Donc ils avaient vu en rêve que le moine avait tué leur sœur, et ils ont même vu l'endroit où leur sœur a été tuée. Donc l'un des frères a vu cela en songe, en rêve, et lorsqu'il s'est réveillé le lendemain, il n'osait pas, il ne voulait pas raconter son rêve. Mais ensuite, lorsqu'il raconta ce rêve, il se rendit compte qu'ils ont tous fait le même rêve. Donc les trois frères ont fait le même rêve. Et ils décidèrent donc, et s'en allèrent vers le moine. Ils s'en allèrent se rendre chez le moine et justement chercher leur sœur. Et lorsqu'ils cherchèrent leur sœur, ils se rendirent compte que donc elle n'était pas là. Et donc ils s'en allèrent vers l'endroit où ils ont vu en songe dans leur rêve où elle a été enterrée et ils trouvèrent justement. Et donc ensuite ils ont pris le moine pour le punir et le tuer après cela. Et là, Shaitan est apparu au moine et lui a dit, c'est moi. En quelque sorte, dans certaines versions, il nous a rapporté qu'il dit, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation, avec nos mots à nous, c'est moi qui t'ai mis dans cette situation. Alors, si tu veux que je te sors de cette situation, prosterne-toi pour moi. Prosterne-toi pour moi. Et c'est ce que fit le moine. Et ensuite, il fut tué. Et ensuite, il fut tué. Là, beaucoup de savants, certains exégètes, hein, spécialistes, disent que c'est justement de cette histoire qu'il est fait allusion justement dans le verset qu'on a cité précédemment. Comme l'exemple de Shaitan qui incita l'homme à renier sa foi. Mais quand l'homme devient impie, Shaitan lui a dit, je te désavoue car moi, je crains Allah, le maître de l'univers, le maître de l'univers. Et donc là, les savants disent qu'il y a allusion à cette histoire. Donc pour terminer, regardez comment ça se fait progressivement. Shaitan l'a fait mécroire, l'a fait devenir impie, et cela par étapes, alors qu'il faisait partie des grands dévots de son temps, alors que les gens l'admiraient pour sa dévotion, pour son comportement, pour sa religion, et Shaitan progressivement l'a fait tomber dans la mécréance. Il l'a fait tomber dans cela. En yakfur billahi azza wa jal. Qu'il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'est fait, comme on l'a dit précédemment, progressivement, et à la fin, avant de mourir, il lui a suggéré de se prosterner à lui. Et lorsqu'il le fit, à ce moment-là, il se fit tuer. Wallahu al-musta'an. C'est pour cela que c'est une grande exhortation de savoir qu'il faut être vigilant et que Shaitan attaque les individus et d'une manière progressive. Et de ce fait, de connaître les ruses. Et c'est comme cela qu'on avait appris, de la même manière qu'on avait appris avec le peuple de Nour. Les générations qui étaient venues avant, Shaitan, progressivement et par étapes, les a fait tomber